mon verbe, c'est la violence du lynchage à Rosa Parks. La France laissez-la mourir, seule avec ses taxes. Je suis là pour revendiquer, au nom du tiers monde. On veut sortir de la merde, mais ça commence à faire long. Mon verbe, c'est la violence du lynchage à Rosa Parks. La France laissez-la mourir, seule avec ses taxes. Je suis là pour revendiquer, au nom du tiers monde. On veut sortir de la merde, mais ça commence à faire long. Laissez-moi revendiquer, comme l'ennemi public. Ça et c'est le tiers monde au sein de la 5ème République. Pour tous les ghettos du monde, les favelas du globe, du 93 à Douala, en passant par l'ego. C'est la guerre dans nos rues, dans nos caves, y'a des famas. Attentats suicides dans les quartiers pauvres de Damas. Jérusalem, une terre sainte, une terre à conflit. Minuscule périmètre d'Abraham ou d'Ibrahim. Pillage, incendie, viol, assassinat. Résultat d'une guerre ethnique et de ses stigmates. Le Maroc au cœur du trafic sur le champ de Ketama. Arrivage en tonnes de cocaïne sur le port d'Accra. Pour les enfants soldats du Rwanda, du Kenya. Ça se massacre à la machette pour une fraude électorale. C'est l'ombre d'un génocide qui règne au Soudan. Sang sanguinaire comme les diamants de Sierra Leone. Demande à Econ, lui qui investit dans des mines. C'est combien de larmes versées derrière un bling bling. Le loup a mangé bip bip. Y'a pas photo entre Fleury et Sing Sing. On est toujours pris pour cible. La cam de l'Équateur qui fait escale en Afrique. Et les noirs du ghetto français qui deviennent plus riches. Roués de coups par le système. Ils veulent nous mettre la disquette. Je pèserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime, et tu le sais. Mon verbe, c'est la violence du lynchage à Rosa Parks. La France, laissez-la mourir, seule avec ses taxes. Je suis là pour revendiquer, au nom du tiers monde. On veut sortir de la merde, mais ça commence à faire long. Mon verbe, c'est la violence du lynchage à Rosa Parks. La France, laissez-la mourir, seule avec ses taxes. Je suis là pour revendiquer, au nom du tiers monde. On veut sortir de la merde, mais ça commence à faire long. Regarde l'autre et sa vieille pute qui crèche à l'Elysée. Les coups d'état en Afrique, financé par qui on sait. Déluge de feu, Islamabad sous la menace terreau. Les bidonvilles de Kibera, les favelas de Rio. Vécu de Poissard pour les enfants de Poissard à Pointe-à-Pitre. On sait que c'est cocaïne cowboy sur l'île de Haïti. Financement de complexes hôteliers sur Miami. Coûts financiers comme les tsunamis en Asie. Bizarre football n'arrive plus à nous distraire. La blessure est profonde comme mental sur les bruchaines. Des crimes de guerre, des camps de concentration. C'est propagande, magouille, manipulation. La ville morte pour la grogne du peuple. Et la corruption nous cache des sacs de CFA au fond de la jungle. L'ambition c'est le refuge de l'échec. Et je sais que c'est nous les proies, eux les prédateurs comme les States. Le kidnapping de Betancourt par le FARC en Colombie. La guerre en Bosnie, le massacre tchétchène. La Russie à tous les dictateurs et la chute de leur régime. On commandite leur assassinat ou leur départ en exil. C'est un labyrinthe juridique pour l'arche de Zoé. Et ouais, comme Youssef, je suis né au pays du Zahra. Bref, ou être coup par le système, ils veulent nous mettre la disquette. Je pèserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime, et tu le sais. Mon verbe, c'est la violence du lynchage à Rosa Parks. La France, laissez-la mourir, seule avec ses taxes. Je suis là pour revendiquer, au nom du tiers monde. On veut sortir de la merde, mais ça commence à faire long. Mon verbe, c'est la violence du lynchage à Rosa Parks. La France, laissez-la mourir, seule avec ses taxes. Je suis là pour revendiquer, au nom du tiers monde. On veut sortir de la merde, mais ça commence à faire long. On veut sortir de la merde, mais ça commence à faire long.